Chapitre 20. Ah, l'ambition est une belle chose. Déjà presque vieillard, éprouvé par tous les orages du siècle, riche à millions, possesseur des plus somptueuses habitations de la province, le duc de Sermeuse et le marquis de Courtaumieu n'eussent plus dû, ce semble, aspirer qu'au repos du foyer domestique. Il leur eût été si facile de se créer une vie heureuse, tout en répandant le bien autour d'eux, tout en préparant pour leur dernière heure un concert de bénédictions et de regrets. Mais non, ils avaient voulu être pour quelque chose dans la manœuvre de ce vaisseau de l'État, où personne ne consent plus à rester simple passager. Nommé l'un commandant des forces militaires, l'autre président de la cour prévôtale de Montaignac, ils avaient dû quitter leur château pour s'installer tant bien que mal à la ville. Le duc de Sermeuse habitait, sur la place d'armes, une grande vieille maison toute délabrée, une ruine où, la nuit, la bise qui se glissait par les portes mal closes venait réveiller ses rhumatismes. Le marquis de Courtaumieu s'était établi en camp volant chez un de ses parents, rue de la Citadelle. Leur vanité sénile était satisfaite. Tout était donc pour le mieux. Et cependant, on traversait alors cette époque douloureuse de la Restauration, restée dans toutes les mémoires, sous le nom de Terreur Blanche. Les représailles s'exerçaient librement. Les vengeances s'assouvissaient et en plein soleil. Et les haines privées et d'effroyables cupidités s'abritaient sous le manteau des rancunes politiques. On menaçait même les acheteurs de biens nationaux. Si bien que les petits, les humbles du peuple, dans les villes, et les paysans dans les campagnes, épouvantés et intimidés, tournaient leurs pensées et leurs vœux vers l'autre, et il leur semblait que le vaisseau qui portait à Sainte-Hélène le vaincu de Waterloo emportait en même temps leurs dernières espérances. Mais rien de tout cela ne montait jusqu'au duc de Sermeuse, jusqu'au marquis de Courtaumieu. Louis XVIII régnait, leurs préjugés triomphaient, ils étaient heureux. Quel faquin eût osé ne l'être pas! Donc, nulle inquiétude ne troublait leur sereine satisfaction. Au pis-aller, n'avaient-ils pas encore des centaines et des milliers d'alliés sous la main? Quelques esprits chagrins leur parlèrent de mécontentement, ils les traitèrent de visionnaires. Cependant, ce jour du 4 mars 1816, le duc de Sermeuse se mettait à table, quand un grand bruit se fit dans le vestibule de la maison. Il se leva. Mais la porte au même moment s'ouvrit, et un homme, hors d'haleine, entra. Cet homme, c'était Chupin, le vieux maraudeur, élevé par M. de Sermeuse à la dignité de garde-chasse. Évidemment, il se passait quelque chose d'extraordinaire. « Qu'est-ce ? » interrogea le duc. « Ils viennent, monseigneur, » s'écria Chupin. « Ils sont en route. Qui ? Qui ?» Pour toute réponse, le vieux maraudeur tendit une copie de la lettre écrite par Martial, sous la dictée de Chanlouineau. Monsieur de Sermeuse lut à haute voix. « Mon cher ami, nous sommes enfin d'accord, et le mariage est décidé. Nous ne nous occupons plus que de la noce, qui est fixée au 4 mars. » La date n'était plus en blanc cette fois, mais tel était l'aveuglement du duc qu'il s'obstinait à ne pas comprendre. « Eh bien » demanda-t-il. Chupin s'arrachait les cheveux. « Ils sont en route, » répéta-t-il. « Je parle des paysans. Ils comptent s'emparer de Montaignac, chasser Sa Majesté Louis XIV, ramener l'autre, ou du moins le fils de l'autre. Gredin de paysans, ils m'ont trompé. Je me doutais de la chose, mais je ne la croyais pas si proche. » Ce coup terrible, en pleine sécurité, frappait le duc de stupeur. Il demanda. « Combien donc sont-ils ? « Ah, le sais-je, monseigneur, 2000 peut-être, 10 000. Tous les gens de la ville sont pour nous. »« Non, monseigneur, non, ils ont des complices ici. Tous les officiers à la demi-solde les attendent pour leur tendre la main. »« Quels sont les chefs ?»« La Cheneur, l'abbé Bidon, Chanlouineau, le baron d'Escorval. »« Assez !» cria le duc. Le danger se précisant, le sang-froid lui revenait. Sa taille herculéenne, courbée par les ans, se redressait. Il sonna à briser la sonnette. Un valet parut. « Mon uniforme, commanda M. de Sermeuse. Mes ordres, mon épée, mes pistolets, faites vite !» Le domestique se retirait, abasourdi. « Attends » cria-t-il encore. « Qu'on monte à cheval et qu'on aille dire à mon fils d'accourir ici, bride abattue. Qu'on prenne mes meilleurs chevaux. On peut aller à Sermeuse et en revenir en 2 heures. » Chupin le tirait par le pan de sa redingote. Il se retourna. « Qu'est-ce encore ?» Le vieux maraudeur mit le doigt sur ses lèvres, commandant ainsi le silence. Mais dès que le valet fut sorti, « Inutile, monseigneur, dit-il, d'envoyer chercher monsieur le marquis. » « Et pourquoi, maître drôle ?»« C'est que, monseigneur, c'est que, excusez-moi, je vous suis tout dévoué. »« Jarnibieu, parleras-tu ?» Positivement, Chupin regrettait de s'être autant avancé. « Alors donc, bégaya-t-il, monsieur le marquis, eh bien, il en est !» D'un formidable coup de poing, monsieur de Sermeuse renversa la table. « Tu mens, misérable » hurla-t-il, en jurant à faire tomber le crépi du plafond. « Tu mens !» Il était à ce point menaçant et terrible que le vieux maraudeur bondit jusqu'à la porte, dont il tourna le bouton prêt à s'enfuir. « Que j'ai le cou coupé si je ne dis pas vrai !» insista-t-il. « Ah, la fille à la Chouaneur est une fière enjôleuse. Tous ces galants en sont, Chalouineau, le petit d'Escorval, le fils de monseigneur et les autres. » Monsieur de Sermeuse commençait à vomir un torrent d'injures contre Marianne quand son valet de chambre entra. Il se tut, endossa son uniforme, ordonna à Chupin de le suivre et s'élança dehors. Il espérait encore que Chupin exagérait, mais quand il arriva sur la place d'armes, d'où l'on découvrait une grande étendue de pays, ses dernières illusions s'envolèrent. L'horizon flamboyait. Montaignac était comme entouré d'un cercle de flammes. « C'est le signal, » murmura le vieux maraudeur. « C'est l'ordre de se mettre en route pour la noce, comme ils disent dans la lettre. Ils seront aux portes de la ville vers 2 heures du matin. » Le duc ne répondit pas. Il ne lui restait plus qu'à se concerter avec monsieur de Courtornieu. Il se dirigeait à grands pas vers la maison du marquis, lorsqu'en tournant court rue de la Citadelle, il distingua sous une porte 2 hommes qui causaient, et qui, à la vue de ses épaulettes brillant dans la nuit, prirent la fuite. Instinctivement, il s'élança à leur poursuite, et en atteignit un qu'il saisit au collet. « Qui es-tu ? » interrogea-t-il. « Ton nom ! » Et l'homme se taisant, il le secoua si rudement que 2 pistolets qu'il tenait cachés sous sa redingote tombèrent à terre. « Ah, brigand !» s'écria monsieur de Sermeuse. « Tu conspires !» Aussitôt, sans un mot, il traîna cet homme au poste de la Citadelle, le jeta aux soldats stupéfiés et se précipita chez monsieur de Courtornieu. Il pensait terrifier le marquis. Point. Lui avait été bouleversé, son ami sembla ravi. « Enfin » prononça-t-il, « voici donc une occasion de faire éclater notre dévouement et notre zèle. Et sans danger. Nous avons de bonnes murailles, des portes solides, 3 000 hommes de troupes. Ces paysans sont fous. Mais bénissez leur folie, cher duc, et courez faire monter à cheval les chasseurs de Montaignac. » Mais une pensée soudaine l'assombrit, il se gratta le front et ajouta, « Diable, et moi qui attends Blanche ce soir ? Elle a dû quitter Courtornieu après dîner, pourvu qu'il ne lui arrive pas malheur. »